vous vous demandez pourquoi il faut réformer la sécurité sociale, pourquoi certains médicaments ne seront plus remboursés, pourquoi faciliter les licenciements, pourquoi supprimer les 35 heures, pourquoi reculer l'âge de la retraite à 65 ans, pourquoi la dégressivité des indemnités chômage, pourquoi augmenter de 2 points la TVA, pourquoi supprimer 500 000 fonctionnaires, pourquoi supprimer l'ISF et pourquoi l'épouse de François Fillon a pu toucher un salaire d'attaché parlementaire pendant 8 ans alors qu'on ne l'a pas vu souvent à l'Assemblée nationale ou en circonscription. Ne vous tourmentez plus pour 2017 en demandant pourquoi. François Fillon vous explique comment lâcher prise et ne plus poser la question dans son nouveau livre plagié du philosophe Alexandre Jolien, Vivre sans pourquoi. Mais alors, pourquoi François Fillon en 2017? Parce que qu'il est bien pour la France. Vivre sans pourquoi, une édition Les Petits Naïfs de Droite.